Et la caille à bana fleurette écoute, Manina Tikani te meya bosoma, bana fleurette, Mayeli Lissano. Et la caille à bana fleurette écoute, et la caille à bana fleurette écoute, Manina Tikani te meya bosoma, bana fleurette, Mayeli Lissano. La flor.